Aujourd'hui, à l'émission, il sera question à 18h de dépression saisonnière et de la luminothérapie pour traiter la dépression saisonnière, justement. Un sujet bien de saison et qui est peut-être même amplifié avec le décalage horaire qui nous fait subir la noirceur un peu plus tôt que précédemment. Mais pour le moment, on va faire un retour dans le temps, dans un temps pas très lointain, finalement, du temps de la Covid, où circulaient toutes sortes d'informations bonnes ou mauvaises sur la Covid et notamment sur la vaccination. Et une question qui se posait était de savoir comment la mésinformation sur la vaccination pouvait influencer notre intention de se faire vacciner. Autrement dit, quel est le lien entre la mésinformation et l'hésitation vaccinale? Alors, c'est une question qui a été étudiée par une équipe multidisciplinaire de l'Université Laval et les résultats viennent d'être publiés dans une revue savante au nom un peu compliqué, que je ne sais pas comment on le prononce. Donc, pour nous en parler, bien, je reçois Benoît Béchard, docteur en psychologie de la décision, chercheur associé à l'Université Laval, et il est le premier auteur de l'étude, et vous l'avez entendu rigoler un petit peu. Bonjour Benoît. Allô Valérie, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, donc, ça va bien. Alors, en fait, cette revue savante, elle s'appelle JMIR. Journal of Medical Internet Research. Ouais, ouais. Puis c'est dans le numéro Formative Research. Ouais. Voilà. Donc, c'est des noms complètement. Oui. Voilà, mais ça n'en est pas moins sérieux. Non, tout à fait, oui, voilà. Absolument. Alors, dans cette étude, Benoît, donc, vous faites un petit peu, toi et tes collègues, là, vous faites un peu, vous cherchez un peu comment la mésinformation, mais pas seulement la mésinformation, en fait, la réinformation. Oui. Donc, moi, je n'avais jamais vu ce mot-là. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu qu'est-ce que c'est que la désinformation, la mésinformation et la réinformation? Oui, ça se place dans le contexte hein, de la fameuse COVID hein, qu'on a vécu. Bon, nous, on a commencé à travailler sur ce sujet-là dans fin 2020, 2021, donc au cœur, hein, effectivement. Oui, on était en plein dedans. En plein dedans dans la pandémie. Les vaccins arrivaient. Les vaccins tranquillement arrivaient. Puis, bon, il y avait aussi, on était confrontés aussi à la nouvelle technologie vaccinale, si on peut dire, l'ARN messager. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a développé cette étude-là, cet intérêt de recherche-là. Puis là, on s'est confronté, comme tu as dit, à différents concepts. Hein. La désinformation, la mésinformation, la réinformation aussi. Alors, c'est quoi ces concepts-là? En général, on les distingue, là, quand on dit désinformation, c'est délibéré. Hein, ça le dit un peu. C'est une source informationnelle qui veut... Tromper délibérément. Exactement. Donc, la désinformation, on veut délibérément, c'est prémédité. Ouais. Et on veut tenter d'influencer, habituellement, à mauvais escient, une personne, un récepteur d'information. La mésinformation, on est probablement l'influence, mais c'est pas de mauvaise foi. Alors, on peut le faire, en faisant une erreur, sans l'avoir voulu, etc. La mésinformation, c'est pas délibéré avec des intentions malicieuses. Hein. Il n'y a pas d'intention malicieuse derrière ça. Et la réinformation, qui est en fait un peu plus le cœur de notre... le concept au cœur de notre recherche, la réinformation, c'est plus le travail d'un média alternatif, par exemple. Mm-hmm. Alors, l'idée que, par exemple, les sources officielles, médiatique, source informationnelle. Toi, par exemple, comme journaliste scientifique, tu produis de l'information. Il pourrait y avoir des médias alternatifs qui réutilisent ton contenu informationnel que t'as développé ou que t'as mis en onde. Et il pourrait être retravaillé pour servir une cause ou servir un intérêt particulier. Alors, de manière biaisée, détournée, si on veut. Ça, c'est la réinformation. Il y en a beaucoup, des médias de réinformation. Mm-hmm. Qu'on pense le média le médium, ce qu'on dit, on dit peut-être plus médium, qui me vient le plus facilement, c'est le Epoch Times. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. On a ça des fois, là, c'est une espèce d'entrefilet de 4-5 pages. Oui, on l'a distribué dans les bibliothèques. Des fois un peu partout, dans nos boîtes aux lettres. Ouais. Et puis, c'est assez ponctuel, hein, ça arrive pas tout le temps. Là. Et puis, des fois, on a ça dans notre boîte aux lettres, puis on se dit, ah, ça ressemble à un journal crédible, qui a une espèce de front page, là, en bon québécois, de New York Times, là, quelque chose de très sérieux. Mais finalement, c'est un média médium de réinformation où on se trouve à servir, et quand on le lit, on s'en rend bien compte, il y a une ligne éditoriale très directe, très stricte, hein, qui pointe vers un point spécifique, et c'est une ligne qui est suivie par tous les articles dans le journal. Voilà. Alors ça, c'est la différence entre ces trois concepts-là qui sont assez différent. Et ce qui est au cœur de notre approche, c'est je dirais la réinformation, l'œuvre de réinformation. Mais finalement, qui les produit, ces médias de réinformation? Toutes sortes de monde. Parce que c'est pas évident de faire la distinction entre un média de réinformation qui a une connotation, une ligne éditoriale très marquée, et puis dans la pluralité des médias, il y a des fois des médias qui sont marqués à gauche, à droite, etc. Tout à fait. Comment faire la distinction? C'est difficile à faire, mais il y en a de plus en plus aussi des médias de réinformation. Il y en a beaucoup, beaucoup avec Internet, avec notre capacité de consommer différents contenus d'informations sur la toile, il y en a partout, partout, partout. On peut même soi-même en être un. À certains égards, à plus petite échelle, lorsqu'on prend position dans la sphère publique sur, par exemple, n'importe quel enjeu, que ce soit sur Twitter, qui est maintenant X, on exerce un peu de réinformation, parce qu'on réutilise une information qui a été sortie par des voies officielles, puis on peut la retravailler pour favoriser une ligne éditoriale qui est spécifique, ou un biais à certains égards. Un biais ou une réinterprétation dans un certain... Il y en a beaucoup de sources comme ça. Et nous, au cœur de notre étude, et c'est intéressant que tu mentionnes ça, ce qu'on a voulu aller voir, c'est si ce style rédactionnel-là, média de réinformation par rapport à une source officielle, peut avoir une influence sur l'attitude ou le comportement vaccinal dans le contexte présent de passé, en fait, de la COVID-19. Ce contexte-là qui était très, très bouillant, très chaud, très émotionnel aussi. Ouais. Donc, comment vous avez fait? Vous avez été chercher certains médias de réinformation qui traitaient de la COVID et de la vaccination dans le cadre de la COVID? Encore mieux. On s'est pris au jeu, puis on a développé nous-mêmes, avec à l'aide de professionnels et d'experts, on a développé nous-mêmes des on appelle ça des artefacts, mais en même temps, c'est des faux articles de journaux, avec l'aide d'un journaliste professionnel, qui nous ont aidés à développer donc une version d'un article écrit de manière journalistique, puis de l'autre côté, idéologiquement biaisé, comme une source de réinformation pourrait le faire, donc une visée plus... direct sur dans ce cas-ci, c'était le côté nocif, potentiellement nocif des vaccins ARN. Un biais contre le vaccin. Contre le vaccin. Ouais. Et de l'autre côté, on avait une source plus officielle qui adoptait une ligne basée sur des études scientifiques, sur le fait que, les vaccins sont utiles pour prévenir, etc. Alors, on avait deux versions. Ça, c'est notre première variable qu'on a voulu tester pour voir si elle avait une incidence sur le comportement vaccinal, se faire vacciner ou non. Et la deuxième, c'était l'insertion d'une image. Alors, tu sais, parfois, on voit dans les articles de journaux, on voit une image d'entrée de jeu qui, en un clin d'œil, c'est une heuristique aussi, c'est une façon de traiter l'information rapidement. Et là, on voit l'image, ça nous donne une idée du texte. Alors, on voulait voir si l'insertion d'une image par rapport à pas d'image du tout avait une incidence aussi sur le comportement vaccinal. Mais donc, ces deux articles, avec image ou non, sont parus sur Internet? C'est intéressant, sont dans les annexes de notre papier. Ah oui? Mais ce sont des... Mais pour y exposer des personnes, pour voir quelle est leur réaction, comment ils réagissent par rapport à l'un ou à l'autre de ces versions. Oui, on a fait un sondage expérimental. Avec ça, donc un sondage sur une plateforme en ligne, on est allé chercher un panel de participants. Donc, presque 500 participants qui ont été exposés à soit l'artefact, ou en tout cas l'article, qui avait un style de rédactionnel journalistique par rapport au style biaisé, image, pas d'image. Ça nous faisait quatre groupes, deux par deux, quatre groupes. Et ces gens-là, donc, devaient lire l'article et répondre à une batterie de questions qui, pour nous, étaient des proxys du comportement vaccinal. Dans ce cas-ci, les deux variables qu'on a mesurées pour, je fais des guillemets, mais mesurer le comportement, c'était la confiance envers le vaccin, quand on lit l'article. Est-ce qu'on a confiance envers les informations qui nous sont rapportées, d'une part, et ce qu'on appelle dans notre jargon de scientifique, le « perceived tentativeness », qui est la crédibilité perçue de l'information. Est-ce que c'est crédible, ce qu'on lit? Est-ce que la personne qui lit l'information est aussi crédible? Et est-ce qu'elle a confiance en l'information? Ouais. Alors, c'était deux éléments-là qui nous ont permis de distinguer le comportement. Ouais. Mais là, tu dis qu'il y avait les images, il y avait une image ou pas d'image, mais oui. En fait, ça se présentait comment cet article, il était envoyé, c'était un lien Internet, c'était un PDF, c'était quoi? Exact. C'est fait à partir, je ne ferais pas de pub pour notre la plateforme en ligne qui nous a aidés, mais c'est Qualtrics. Ouais. Il y a certains de nos auditeurs qui vont peut-être connaître ça. Il y en existe beaucoup, il y a Dexero, il y en a quelques-uns. Quelques-unes de ces plateformes-là, c'est des plateformes qui sont utiles pour... Il y a LimeSurvey aussi, ça me vient en tête, là, qui sont utiles pour mettre en ligne des questionnaires. Puis après ça, la compagnie se charge de la tâche de recruter des participants selon les critères qu'on a prédéfinis. Alors nous, c'était une population adulte, 18 ans et plus, canadienne, qui parle anglais aussi, c'est un bon détail. La population québécoise francophone n'a pas été incluse dans cette étude-là. Alors ça, c'est une idée d'étude prochaine pour complémenter, pour avoir un échantillon plus représentatif de la réalité canadienne. Voir. Parce qu'on a juste le rest of Canada, si on veut, qu'on parle entre dans la dichotomie canadienne. Là. Donc, on a les anglophones du Canada. Et donc, c'était une population adulte d'environ 500 participants, 4 groupes différents. Hein. Et c'est important de le mentionner aussi, ces groupes de participants-là sont exposés à une des 4 versions. Ouais. Ils ne vont pas voir les autres versions. Ouais. Alors, exposaient à la version, puis ensuite, ils répondaient à une batterie de questions. Je pense que c'est 7 questions sur la crédibilité perçue, 7 questions sur la confiance. Puis nous, de manière statistique, là, on faisait une espèce d'indicateur additif, qu'on additionnait les réponses à ces deux variables-là, puis on obtenait le comportement. Ouais. Et donc, tu dis, il y avait donc des questionnaires sur, est-ce que ça leur donne de l'information sur l'efficacité de la vaccination et sur la crédibilité qu'ils ont envers l'information qu'ils lisent dans l'article. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de questions auxquelles ils étaient soumis? Oui, ben, est-ce que concrètement, je sais pas. Ouais. Ben, je peux même, je me suis fait un malin plaisir, je suis allé chercher une différence entre un phrasage c'est qui est biaisé puis un phrasage qui est scientifique. Ouais. Puis bon, c'est en anglais, excusez mon anglais, je vais juste vous lire une phrase. Ça, c'est le phrasage en anglais biaisé. Okay? Okay. Puis regardez bien, on va s'arrêter à quelques mots. Là. Vaccination against the Yuan flu is still recommended by scientists despite risk of myocarditis and other secondary effects. Point d'exclamation. Ouais. Okay? Ça, c'est le biais. On parle du... Peut-être que tu peux faire une traduction anglais, en français. La vaccination contre la grippe de Yuan qui est en Chine, on se rappelle de ça, elle apparaît encore recommandée par les scientifiques malgré d'énormes risques de problèmes cardiaques puis des effets secondaires. Ouais. Avec un point d'exclamation. Alors, tout est dans le détail aussi. Hein, et c'est pour ça, quand tu disais d'entrée de jeu, c'est intéressant ça. La réinformation, les gens sont habiles pour faire de la réinformation. Les sources de réinformation, c'est pas des personnes qui sont incompétentes. Ils sont très compétents dans leur travail. Hein. Ils sont capables de bien phraser l'information, bien travailler l'information pour la présenter de manière crédible. Mmh. Alors, sauf que parfois, il y a des effets de style, comme si on parle de la grippe de Yuan, on parle des points d'exclamation, etc. Il y a une connotation là, derrière la grippe de Yuan. Exact, tout à fait. Et c'est quand même subtil. Mm-hmm. Pour ce qui est l'artefact, ou en tout cas l'article qui est de nature stylistique, journalistique, vaccination contre la COVID, elle est recommandée par les scientifiques, malgré les risques de problèmes cardiaques et d'effets secondaires. Et là, après, je vous lirai pas le reste du paragraphe, mais après, ici, dans cet article-là, on insiste sur les études scientifiques qui ont été menées pour démontrer l'efficacité et la validité des vaccins à messager. Alors, tandis que dans le premier artefact, on n'avait pas ça. Alors, on continuait ensuite avec des statistiques. Bon, il y a 38 millions de personnes qui ont été atteintes par ça. Puis, tu sais, de manière très sensationnaliste, plutôt que basée sur l'évidence scientifique. Alors, c'est deux contenus quand même assez différents. Mais finalement, et on y arrive bientôt, là, les résultats sont, je dirais, intéressants, mais particulièrement intuitifs. Parce que n'aurait pu, ça c'est un, je dis ça à la blague avec mes collègues des fois, on aurait pu ne pas faire l'étude, puis on aurait su le résultat quand même. Mm-hmm. Mais on veut le vérifier par l'étude. Ouais, c'est ça. Exactement. Effectivement. Mais donc là, c'est quoi le genre de réponse, de questions que les participants avaient? Ben, par exemple, hein, t'es pas obligé de nous les donner toutes, mais... Ben, pour ce qui est de la crédibilité, c'est... on lisait, par exemple, l'article soit scientifique ou idéologiquement biaisé. Puis ensuite, les participants avaient à répondre, bon, considérez-vous que l'information que vous venez tout juste de lire vous apparaît crédible? Bon. Mm-hmm. Considérez-vous que cette information-là pourrait faire état dans un journal que vous consommez au quotidien ou de manière hebdomadaire? Est-ce que avez-vous confiance en l'information mm-hmm. que vous venez tout juste de lire? Est-ce que cette information-là pourrait être tirée d'un article scientifique? Tu sais, des questions comme ça qui est une espèce de probe, une sonde, qui vont être utilisées pour justement bâtir un indicateur de nous dire la personne a confiance en ce qu'elle vient de lire, mm-hmm. ou la personne elle trouve ça crédible, mm-hmm. ou au contraire, non, c'est ridicule, puis j'ai aucune confiance en ce que je viens de lire. Mm-hmm. Alors, il y avait une tangente quand même importante à considérer, là, des mm-hmm. autres. Ouais. Et maintenant, ben, venons-en au résultat. Ouais. Qu'est-ce qu'on en tire finalement de tout ça? C'est comme je te disais. Là, j'imagine qu'il y a des analyses statistiques derrière. Ah, ouais. Et que finalement, des fois, quand je regarde ce genre de papier, l'analyse statistique me fait peur. C'est pour ça qu'on est plusieurs collègues souvent. Ouais, là, ici, je pense qu'on est 8 collègues différents. Ouais. C'est sûr, là, je parle en mon nom personnel ce soir. Parce que peut-être que mes collègues auraient une explication un peu différente des résultats. Mais grosso modo, on a à peu près une compréhension très similaire de ce qui s'est passé. On l'écrit ensemble, l'article. Donc, ça se ressemble beaucoup. Mais effectivement, les analyses statistiques, des fois, on s'y perd. Hein? Puis, dans des collaborations comme ça, avec une analyse assez lourde quand même, hein? c'est un devis, un sondage expérimental en ligne, factoriel, 2 par 2, avec 4 groupes. Mm-hmm. Ça, on commence tranquillement à avoir des étages et des étages mm-hmm. de difficultés potentielles. Là, ouais. Puis j'imagine que même les réponses, c'est pas oui ou non, c'est des échelles avec 1 à 10 ou quelque chose comme ça. Tout à fait, c'est ça. On n'a pas une gradation. Tout à fait, c'est pas dichotomique, yes-no, ouais. Hein, oui-non. On a souvent une certaine, je dirais, une couleur dans nos données qui nous fait dire oui, mais pas tout à fait. Ouais. Hein, on est un peu comme ça. Donc, dans notre équipe, on avait des gens qui étaient des statisticiens en sciences de la santé, mm-hmm. qui nous ont aidés à faire les analyses. Alors, moi, je les ai pas toutes faites, les analyses, là. On les comprend, on essaye de les comprendre, on essaye du mieux, en fait, de les comprendre pour pouvoir les communiquer. Mais il y a quelqu'un dans l'équipe qui les comprend, les analyses. Et tout à fait, une chance, c'est important. Un spécialiste des analyses statistiques. Tout à fait. Et là, on en est arrivé, finalement, comme je te disais, Valérie, plutôt un résultat qui est quand même très intuitif, puis particulièrement intéressant, même si on aurait pu s'en douter. Et ça fait un pont sur mon dada en recherche, mon expertise sur la psychologie de la décision, ouais. puis les heuristiques, les biais dont on a déjà discuté. Mmh. Il y a un biais de confirmation. Hein. Le biais de confirmation dont on a déjà discuté, hein. Les gens en général, pour le meilleur et pour le pire, vont avoir tendance à collecter de l'information qui confirme leur a priori. On a déjà discuté de ça. Mmh. Dans ces résultats-là, on retrouve ça mur à mur. Hein. De très, très, très fortement. Les gens qui sont contre les vaccins en général, parce qu'on a, évidemment, il fallait mesurer aussi leur attitude vaccinale a priori. Mm-hmm. Alors, les gens qui se sont déclarés contre la vaccination en général, pas seulement contre la COVID, mais mm-hmm. la vaccination, ont une perspective très, très rigide quant à l'efficacité, par exemple, du vaccin contre la COVID, ou qu'on a très peu de confiance par rapport aux résultats qui pourraient être scientifiques en faveur d'une vaccination ARNM, trouvent les informations qui leur sont communiquées très peu crédibles mm-hmm. lorsqu'on est pro-vaccin. Hein? Alors, il y a tout ça. Et lorsqu'on les confronte, ces gens-là, à un article de journal idéologiquement biaisé contre les vaccins, ils vont être en faveur de l'article idéologiquement biaisé. Ah. Alors, c'est une confirmation de leurs a priori. Ouais, et puis, inversement, donc, quelqu'un qui se déclare pro-vaccin va plus facilement voir la réinformation que c'est un article de réinformation qui n'est pas crédible? Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. L'inverse est aussi vrai. C'est la même chose. Une personne qui est pro-vaccin ou qui a une sensibilité par rapport à l'utilisation des vaccins va détecter, traiter l'information dans un article biaisé, idéologiquement biaisé, plus facilement, pour finalement se rendre compte que c'est pas crédible du tout. J'ai aucune confiance en ce que je viens de lire. Et au contraire, si on l'expose, cette personne-là, qui est pro-vaccin, à de l'information qui sont rédigées de manière journalistique, elle va avoir confiance en l'information, mm-hmm. puis elle va trouver ça crédible. Mm-hmm. Alors, c'est intéressant de voir que ce soit... et dans le, tu sais, dans le show du débat de la vaccination COVID-21, là, dans 21-22, mm-hmm. C'était, tu sais, on avait même, je me rappelle, on avait parlé hors d'onde, il y avait des débats chauds dans les familles. Hein, au Québec, là, ça a même divisé parfois des familles, ça. Fais-toi vacciner, fais-toi pas vacciner, le vaccin, je veux pas me faire vacciner, etc. On avait des débats très, très lourds parfois émotionnellement. Et c'est intéressant de voir finalement qu'à posteriori, quand on regarde ça, les gens n'auraient pas changé vraiment d'opinion. Mm-hmm, les gens étaient campés durs comme fer, de chacun de leur côté. Je suis pro-vaccin et je consomme de l'information qui est pro-vaccin. Je suis anti-vaccin, je consomme de l'information anti-vaccin et je me conforte dans mon billet, dans mes a priori. Ouais. Que ce soit coupé au couteau comme ça, c'est impressionnant. Mais excuse-moi, là, je vais peut-être quasiment un peu changer de sujet, mais est-ce que c'est pas un peu le même genre de choses qu'on observe dans les élections américaines, le penchant à ceux qui vont voter bientôt pour les démocrates ou pour les républicains? Est-ce qu'ils sont pas déjà inscrits là dans un côté et puis qu'il n'y a rien qui les fera changer de bord? J'ai l'impression que c'est un peu le même phénomène. Ben, je pense que oui, tu as raison. Puis je pense que ton réflexe est bon de voir ça de manière transversale. Ouais. Parce que le biais de confirmation, c'est pas associé au vaccin. Le biais de confirmation, c'est un phénomène de la cognition humaine. Mm-hmm. La cognition humaine, comme on l'a déjà dit ensemble, la cognition humaine, c'est pas propre à une catégorie de personnes. C'est les êtres humains. Hein? Ouais. Et l'être humain, que ce soit en politique, en finance ou dans sciences de la santé, santé publique, etc., ils ont des a priori puis ils ont des biais. Puis le biais de confirmation, on le voit bien, se retrouve par exemple dans le comportement vaccinal, peut se retrouver très bien en politique mm-hmm. aussi. Mm-hmm. On l'a vu dans une autre étude, je me rappelle pas si on avait discuté ensemble de celle-là, mais c'était une étude sur l'idéologie en politique. Oui. Puis on avait remarqué que l'idéologie, elle est très très forte chez les gens qui ont pour tâche de gérer les affaires d'un État en politique. Mmh. Et ce faisant, ils collent à leur idéologie, ils prennent des décisions idéologiques, puis ça nuit à à la bonne décision. Mmh. Alors, on avait vu ça, c'est aussi présent en politique. Ouais. Et peut-être une dernière question. Ouais. Est-ce que ce genre d'études permet de voir quand même les personnes qui sont hésitantes? Là, on sait bien, non, mais c'est vrai pour les élections, il y a toujours les gens qui sont un peu hésitants. Pour la vaccination, il y avait quand même des personnes qui étaient un peu hésitantes. Est-ce que ce genre d'études permet de cibler un petit peu leur profil, s'ils accordent de la crédibilité à tel ou tel type d'article? C'est une bonne question aussi. Effectivement, c'est difficile d'aller les chercher, ces gens-là. Ah ouais. Parce que nous, on leur donnait aussi, on leur demandait de se commettre en quelque sorte. Hein. On leur disait, ultimement, on essayait de trouver s'ils étaient a priori pro-vaccin ou anti-vaccin. Alors, on avait une échelle, comme tu disais, qui n'était pas oui-non, mais qui était 1 à 10, par exemple. Puis les 1 à 5 étaient, plus anti-vaccin, 6 à 10 étaient plus pro-vaccin, etc. Donc, ça restait quand même une façon de se commettre pour une personne qui était un de nos répondants. Mm-hmm. Fait que c'est difficile d'aller chercher les indécis. Il faut se rappeler aussi, dans ce contexte-là, que c'était particulièrement positionnel comme enjeu. Hein. Mm-hmm. Hein, moi, je me rappelle de des débats très, très chauds dans ma famille, là, proche, là, où on avait des débats, parfois c'était un peu, c'était un peu lourd. Là, et les gens... On ne voyait pas d'issue, en fait. Non, on ne voyait pas d'issue, et il y avait une position. Mm-hmm. Il y avait une position qui était assez nette chez tous les individus. Donc, non, ça a été difficile de les capter, ces gens-là, parce qu'à un moment donné, puisqu'on on étudiait aussi le comportement vaccinal. Est-ce que vous percevez les informations crédibles ou non? Il fallait les catégoriser, ces gens-là, évidemment. Mmh. C'est vraiment fascinant, en fait, comme étude, de voir comment, avec des statistiques, des questions, on peut arriver à mesurer un petit peu comment les gens perçoivent certains éléments. Il y a des limites. Hein. Ça demeure une étude avec un sondage, un questionnaire expérimental. Un sondage, comme tu l'as bien dit, c'est on rapporte l'information. Hein. On n'a pas une mesure objective qui pourrait être, par exemple... pour d'autres considérations, le rythme cardiaque, la sudation de la peau, des choses qui sont objectives, plus objectives comme ça, ou encore le comportement dans une tâche de décision dans un sur un ordinateur ou quelque chose comme j'ai déjà fait dans le passé. Mais ça demeure quand même pertinent parce que ça nous donne une belle intuition de ce qui peut se passer lorsqu'on a un enjeu aussi positionnel que les vaccins contre la COVID à l'époque. Ben, c'est vraiment intéressant, puis j'ai hâte de t'inviter à nouveau pour que tu nous parles de ta prochaine étude. C'est toujours un plaisir, Valérie, toujours un plaisir.